إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on a expliqué dans le cours passé al-martabatu thaniya, le deuxième degré de la religion qui est al-iman. Et donc on a lu que c'était composé de 70 et quelques branches. La plus haute est la ilaha illallah et la plus basse est d'enlever les nuisances du chemin et que al-haya, la pudeur ou la timidité font partie de la foi. Ou ça fait partie de la foi. Maintenant on commence le cours 7 dans l'explication de al-usul al-salata et on commence donc à partir du point où on avait laissé avant la salat. Le Cheikh il dit arkanuhu, arkan al-iman, sitta. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. La foi, elle a 6 piliers. Et ces 6 piliers-là, c'est premièrement de croire en Allah, de croire en ses anges, de croire en ses livres, de croire en ses messagers, de croire au jour dernier, de croire en la prédestination, et c'est-à-dire le bien, tout ce que Allah t'a prédestiné de bien ou de mal. Et la preuve de ces 6 piliers-là, c'est dans le verset que le Cheikh a mentionné. Il dit والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ودليل القدر قوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر. Donc le Cheikh il dit que la preuve de ces 6 piliers-là, c'est le verset 177 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « La piété ou la bonté ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou vers l'Occident, mais la piété consiste plutôt à croire en Allah au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. » Donc ici il y a 5 piliers de la foi qui sont mentionnés dans ce verset-là. Puis la preuve de la prédestination ou al-qadar, c'est dans le verset 49 dans Surat al-Qamar, Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Inna kulla shay'in khalaqnahu bi-qadar » Nous avons certes créé toute chose en une juste mesure, et avec qadar, hein, c'est ça que ça veut dire. Donc ça c'est les 6 piliers de la foi avec les preuves de la révélation à leur sujet. Maintenant, on commence à expliquer le troisième degré de la religion qui est al-ihsan. Al-ihsan. C'est-à-dire, si on traduit littéralement, la bonté. Hein, la bonté ou le bien, le bienfait. De faire les choses bien, d'avoir, de faire des choses ou d'avoir, de faire du bien envers les gens. Mais ça a une autre signification aussi dans le sens de la du perfectionnement de la foi. Al-ihsan. Et le Cheikh il dit, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit, المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد وهو أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Donc le Cheikh il dit que le pilier de al-ihsan ou le degré de al-ihsan il a un seul pilier et c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais Et si tu n'arrives pas à ce degré, à ce point-là, ça ne t'arrive pas à adorer Allah comme si tu le voyais, alors fais, adore-le comme si lui, il te voit. Comme si tu restes conscient que lui, il est en train de te regarder. D'accord? Et la preuve de ça, c'est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qawluhu ta'ala, inna Allah, et certes Allah est avec ceux qui ont at-taqwa, ceux qui ont at-taqwa, c'est de ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, qui appliquent les ordres et qui s'écartent des interdictions, et ceux qui sont muhsinun, c'est-à-dire ceux qui adorent Allah, avec ihsan. C'est-à-dire, et qui essaient de perfectionner leur foi et leur adoration, en restant toujours conscients que Allah subhanahu wa ta'ala les regarde, ou bien quand ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ils l'adorent comme s'ils étaient en train de le regarder, comme s'ils étaient en train de le voir. Et le cheikh Abdel Aziz Ibn Baz, il explique ce point-là. Il dit « Amma l'ihsan fa huwa ikmalul ibadati zahiran wa batinan, wa huwa an ta'buda Allah ka'annaka tarahu » فإن لم تكن تراه فإنه يراك فمن عبد الله على هذا الاحتضار فقد أدرك مرتبة الإحسان واجتمع له الخير كله قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون donc le cheikh dit que l'ihsan c'est de parfaire ton adoration pour Allah intérieurement et extérieurement, de la parfaire au plus haut degré. C'est-à-dire que lorsque tu appliques ton adoration pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu le fais avec le plus haut niveau de concentration, le plus possible de présence de cœur, dans le sens que tu es conscient et tu restes conscient tout au long de ton adoration que Allah subhanahu wa ta'ala, il est en train de te regarder, et comme si toi tu es en train de le regarder. Et donc, ça veut dire que tu vas pas être déconcentré ou de te détourner dans ton adoration, tu restes toujours en train de adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment tu peux imaginer par exemple que tu pourrais penser à quelque chose de haram ou faire quelque chose d'une façon négligée, hein, tu fais ta prière mais tu l'as fait d'une manière négligée, c'est-à-dire que tu l'as fait sans trop y mettre ton cœur et tu l'as fait sans trop te concentrer et tu penses à autre chose, t'as le cœur ailleurs. Donc, quand tu fais ton adoration de cette façon-là, eh ben, il n'y a pas d'ihsan dedans. Hein, c'est pour ça que quand tu fais ton adoration avec ihsan, ça veut dire, déjà, tu vas faire attention pour faire ton adoration de la meilleure façon parce que tu es conscient que Allah est en train de t'observer à ce moment-là et qu'il te regarde et qu'il sait ce qu'il y a dans ton cœur. Hein. Tandis que des fois, tu vas faire ton adoration, mais tu n'auras pas cette conscience là à ce moment là et donc tu vas négliger dans ton adoration à certains moments, tu vas pas prendre en considération l'importance de l'adoration que tu es en train de faire parce que tu es comme un peu dans l'oubli du fait que Allah te regarde et dans l'oubli du fait que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala en train de l'adorer. Donc le niveau de l'ihsan, c'est le niveau du perfectionnement que tu veux faire ton adoration le mieux possible pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, parce que tu es conscient qu'il est en train de te regarder. Et c'est comme si un enfant par exemple, ou un être humain, n'importe qui souvent, quand il est au travail, il fait son travail, bien s'il sait que son patron ou son superviseur est là en train de le regarder. Hein? Tandis que quand il sait que son superviseur est parti, hein, et bien il fait son travail mais il n'y met pas autant d'intérêt. Il n'y a pas autant de cœur dans le travail, parce qu'il dit, ah, de toute façon, il n'est pas là. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu l'adores, lui, eh ben, il n'y a pas un moment où tu peux dire qu'il ne te regarde pas ou qu'il est absent. Non. Parce qu'à chaque instant, il te voit, il te regarde, et il sait ce que tu dis, ce que tu fais. Donc, si toi, tu oublies qu'il te regarde, qu'il t'oublie, qu'il est, témoin de tes actions, eh ben, dans ce cas-là, c'est le problème est dans ta foi à toi. Ça veut dire que t'es pas dans le degré de ihsan, hein. C'est ça que ça veut dire. Donc, le cheikh, il dit que tu dois adorer Allah comme si tu le voyais, et si tu, sinon, tu dois l'adorer comme si, lui, il te regarde. Et celui qui adore Allah de cette façon, avec cette présence-là, hein, alors il a atteint le degré de l'ihsan, et il a réuni tout ce qu'il y a de bien. Et il mentionne un verset dans, le Coran qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala, comme le verset qu'on a mentionné, 127 dans Al-Nahl, qui dit que Allah est avec ceux qui ont la taqwa et ceux qui sont muhsinoun, ça veut dire qui adorent Allah avec ihsan. Ensuite, le Cheikh il mentionne d'autres exemples, il dit وَقَالَ عَزَّ وَجَلْ إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ. Le verset 56 dans Surat Al-A'raf, ça veut dire la miséricorde d'Allah est proche des muhsinin, ça veut dire de ceux qui ont ihsan, de ceux qui adorent Allah avec perfection, avec ihsan. Et ça c'est, il y a beaucoup d'autres versets à ce sujet-là dans le Coran. Ensuite, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il continue en mentionnant d'autres versets à ce sujet-là. Il dit « قوله وتوكل على الحي وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. » Le Cheikh il dit le verset 217 à 220 dans Surat al-Shu'ara, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le Coran le sens de ce verset et mets ta confiance sur le Tout-Puissant et le Tout-Miséricordieux, celui qui te voit lorsque tu te tiens debout dans la prière et qui observe tes mouvements parmi les gens qui se prosternent. Et certes, il est l'audien et l'omniscient. L'audien et l'omniscient, celui qui voit, qui entend tout et qui voit tout. وقوله وما تكون في شأن ولا وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيدون فيه. Il mentionne le verset 61 dans le Coran et qui dit, et il n'y a pas une chose que tu es en train de faire, ou bien que tu es en train de réciter le Coran, ou bien tu es en train de faire une bonne action, excepté que Allah est témoin de ce que vous faites au moment où vous êtes en train de le faire. Donc ça veut dire de rester conscient que Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de vos actions, et qu'il voit et qu'il entend tout ce que vous faites, et donc de le faire de la meilleure façon, et avec une présence de cœur, et avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala. والدليل من السنة حديث جبرائيل جبريل المشهور عن عمر رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع عليه رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان قال فمضى فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. Donc c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, si je ne me trompe pas, et Al-Bukhari est Muslim. Et ce hadith-là, c'est le hadith qui est connu par le nom du hadith Jibril, hadith Jibril. Et ce hadith-là, dans ce hadith-là, il y a la preuve des trois degrés de la religion. Et il est rapporté selon Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, et il dit, nous étions assis avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, et il y a un homme qui nous est arrivé avec des cheveux avec des vêtements d'un blanc éclatant et avec des cheveux d'un noir très foncé, et on ne voyait sur lui aucune trace de voyage alors qu'aucun d'entre nous ne le connaissait. Et il est venu s'asseoir devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam en mettant ses genoux collés sur ses genoux et en mettant ses mains sur ses cuisses. Et il dit, ô messager d'Allah, informe-moi au sujet de l'islam. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, l'islam c'est que tu témoignes que la ilaha illallah, la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, c'est-à-dire tu témoignes que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et que Muhammad est le messager d'Allah, et que tu établisses les prières, et que tu donnes la zakat, et que tu jeûnes le ramadan, et que tu fasses le hajj vers la maison, c'est-à-dire al-bayt à Mecca, in istata'ta ilayhi sabila, si tu en es capable. Qala sadaqt, il a dit, oui tu as dit vrai. Et on a été étonné de voir que c'est lui qui pose la question et qu'il dit à la personne, et qu'il dit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu as dit vrai. Hein, ils étaient étonnés de ça. Après, l'homme a posé une autre question. Il a dit, akhbirni anil iman. Il a dit, donne-moi l'information au sujet de la foi, l'iman. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu et lui a dit, la foi consiste à croire en Allah, et en ses anges, et en ses livres, et en ses messagers, et au jour dernier, et de croire en la prédestination de ce qu'Allah a prédestiné pour toi de bien ou de mal. Il a dit, tu as dit vrai. Et après, il lui a dit, alors informe-moi au sujet de Al-Ihsan. Alors, il a dit, Al-Ihsan, c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais. Et si tu n'arrives pas à le voir, ou si tu n'arrives pas à ça, alors adore-le comme si lui te voyait. Et après il a dit, et informe-moi au sujet de l'heure du jugement dernier. Il a dit, celui qui demande, celui à qui tu demandes n'a pas plus de connaissances que celui qui pose la question. C'est-à-dire, j'en sais pas plus que toi là-dessus. Alors il a dit, alors informe-moi au sujet des signes de ce jugement-là. Des signes du jugement dernier, ou de l'heure du jugement dernier. Alors, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que la maîtresse va mettre au monde, que la femme va mettre au monde sa maîtresse. Un talid al-ama, l'esclave va mettre au monde sa maîtresse. C'est ça la traduction. L'esclave va mettre au monde sa maîtresse. Et que tu vois les bédouins yani, qui sont nu-pieds, nus, et qui sont pleins de poussière, c'est-à-dire ils sont pauvres, et qui sont rien, et qui commencent à se compétitionner dans la hauteur des bâtiments, hein, savoir qui va construire les plus grosses tours et des trucs de ce genre. Donc ça c'est les signes que la fin du monde approche. Et il a dit, l'homme est parti hein, par la suite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Omar, est-ce que tu sais qui était cette personne qui a posé les questions? Alors Omar a dit, Allah et son messager savent mieux. Alors il a répondu, ça c'est Jibril, il est venu pour vous enseigner les choses de votre religion. Donc c'était l'ange Gabriel en fait qui était venu en forme d'homme pour enseigner aux sahaba de cette façon leur religion et les règles de leur religion. Ensuite, on commence maintenant le troisième principe ou le troisième fondement, l'aslu thalith. Hein, il y a trois fondements, ça c'est le troisième maintenant, et c'est ma'rifatu nabiyyikum Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire de connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui il est. Donc le shaykh il dit, l'aslu thalith. الشيخ يقول وهذا هو الأصل الثالث وهو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فعلى الإنسان أن يعرف نبيه الذي أرسله الله إليه وبلغه الرسالة وبين له الشرائع التي أمره بها وأوضح له العبادة التي خلقنا الله لها. الشيخ يقول هذا هو الثالث pillier. الشيخ بن باز يقول هذا هو الثالث pillier. c'est de connaître notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que donc l'être humain, l'homme doit connaître son prophète, qu'Allah a envoyé vers lui, hein, qui a transmis son message et qui a clarifié les lois d'Allah qu'Allah a ordonné de suivre. Et il a clarifié également l'adoration qu'on doit offrir à Allah subhanahu wa ta'ala et pour laquelle Allah nous a créés. Ensuite, il dit, et donc c'est de connaître notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le cheikh, il commence par mentionner le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au complet. Et il dit, huwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim wa Hashim min Quraysh wa Quraysh min al-Arab والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وله من العمر 63 سنة منها 40 قبل النبوة و23 نبيا ورسولا نبئ بإقرى وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة. Donc le cheikh il explique ça, il dit que son nom c'est Muhammad, fils de Abdullah, fils de Abdul Muttalib, fils de Hashim, et Hashim, il est parmi les gens de Quraysh, et c'est une des familles de Quraysh, et Quraysh fait partie des Arabes, des tribus arabes, et les Arabes sont les fils de Ismaïl, le fils de Ibrahim al-Khalil, le fils d'Abraham. Ismaïl est le fils d'Abraham al-Khalil, hein, l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on envoie la paix et le salut sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et sur Ibrahim alayhi salam. Et il dit qu'il a vécu en tout 63 ans, 40 ans avant la prophétie et 23 ans comme prophète et messager. Il a été déclaré prophète, ou il a reçu la prophétie par le verset Iqra, ou par l'ordre de Iqra, le verset ou la sourate Iqra, et il a été envoyé, ou comme il a été envoyé comme messager par le verset de sourate Al-Muddathir, hein, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, il a été ordonné de prêcher et d'appeler à l'islam à partir de ce moment-là. Et le cheikh, il va expliquer, le cheikh Ibn Baz, il explique tous ces points-là. Il dit premièrement à propos du nom du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit فَاسْمُهُ مُحَمَّدْ وَاسْمُهُ أَحْمَدْ وَاسْمُهُ الْحَاشِرْ وَاسْمُهُ الْمَاحِي واسمه المكفي لأنه خاتم الأنبياء وهو نبينا نبي وهو نبي التوبة ونبي الرحمة ونبي الملحمة وكلها أسماؤه عليه الصلاة والسلام ولكن أشهرها وأفضلها وأعظمها محمد الذي سماه به أهله وجاء به القرآن قال تعالى محمد رسول الله وهذا أحمد بشر به عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فهو محمد وأبوه اسمه عبد الله وجده اسمه عبد المطلب وعبد المطلب لقب وإلا فاسمه شيبة وأبو جده اسمه هاشم وهو سيد من سادات قريش كما أن عبد المطلب كذلك وهاشم من قريش قبيلة عظيمة من أفضل العرب. Donc le cheikh explique et il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a plusieurs noms. Parmi les noms qu'il a, ah oui, il y a un point aussi que j'ai oublié de lire ici. Il dit وهذا النبي هو محمد عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء ورسول الله لهذه الأمة من الجن والإنس أرسله الله للناس جميعا قال تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا وقال سبحانه وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. Donc il dit que ce prophète c'est Mohammed عليه الصلاة والسلام, il est le dernier des prophètes et il est le messager pour cette umma parmi les djinns, pour les hommes et les djinns. Et il a été envoyé pour tous les hommes, pour tous les êtres humains. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans le verset 157, dans surat al-A'raf, dit, ô vous les hommes, je suis le messager d'Allah pour vous tous. Donc il est venu pour toute l'humanité en entier. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit également dans Surah Saba, le verset 27, hein, et nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde pour les mondes. C'est-à-dire, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est une miséricorde pour tous les êtres humains. Kafatan linnas, pardon. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et nous t'avons envoyé que pour, et nous t'avons envoyé pour tous les hommes comme annonciateur et avertisseur. Et son nom est Muhammad. Il a plusieurs noms. Muhammad. Et aussi son nom est Ahmed. Et son nom aussi est Al-Hashir. Et son nom aussi est Al-Mahi. Et son nom aussi est Al-Mukfi. Parce qu'il est le dernier des prophètes, le prophète de la repentance, le prophète de la miséricorde et le prophète de Al-Malhama. Mais je ne suis pas sûr qu'est-ce que ça veut dire Al-Malhama. Ensuite, le cheikh il dit tous ces noms-là sont des noms du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le plus célèbre d'entre ces noms-là, c'est, et le meilleur d'entre ces noms-là, et le plus grand d'entre ces noms, c'est le nom Muhammad. Et c'est par ce nom-là que ses proches l'appelaient. Et c'est ce nom-là qui est mentionné dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 29 dans Surah Al-Fath, Muhammadun Rasulullah. Muhammad est le messager d'Allah. Et donc, de même que le prophète Isa, il a annoncé la venue de Ahmed. Et ça c'est mentionné dans le verset As-Saf, dans Surah As-Saf, le verset 6, hein, que Isa a dit, et il est venu pour annoncer la venue d'un messager qui viendra après lui, et dont le nom est Ahmed. Et donc le cheikh il dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, son père s'appelle Abdullah et son grand-père s'appelle Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib c'est son surnom, parce que la réalité c'est que son nom est Shayba, il s'appelle Shayba. Et le nom de son, le père de son grand-père s'appelle Hashim, et c'est un des chefs parmi les chefs de Quraysh. Et de même que Abdul Muttalib aussi était un des chefs parmi les gens de Quraysh. Et Hashim, c'est une, fait partie de Quraysh. Et Quraysh est une des grandes tribus, et la meilleure tribu parmi les Arabes, la plus noble parmi les tribus des Arabes. D'accord? Et le cheikh il dit, والنبي صلى الله عليه وسلم من خاصتهم من بني هاشم ومن أفضل العرب واسمه فهر ابن مالك. اسمه فهر ابن مالك وقيل قريش هو النضر ابن كنانة جد فهر ابن مالك وقريش من العرب المستعربة التي استعرب لسانها فصار لها لسان عربي واضح فهي أكثر عروبة من قحطان ولهذا يقال لهم العرب العاربة والعرب المستعربة فهم من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل. Le cheikh dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait partie de la plus haute partie, disons la partie la meilleure des Arabes, dans le sens qu'il vient de la tribu de Hashim, et la tribu de Hashim c'est la meilleure dans la tribu de Quraysh, et Quraysh c'est la meilleure tribu parmi la tribu des Arabes. Et le nom de Quraysh, son nom c'est Fahr ibn Malik. Et on a d'autres qui ont dit que Fahr ibn Malik, c'était c'était le fils de, en fait, ils nous ont dit qu'il y en a d'autres qui ont dit que Quraysh, c'était plutôt An-Nadr ibn Kinana, qui était le grand-père de Fahr ibn Malik. Donc, lui, c'était un parmi les Arabes qui avait appris l'arabe, qui était devenu arabe. Hein, on dit que il y a deux catégories d'arabes. Les arabes qui sont arabes d'origine, comme Al-Qahtan, et les Arabes qui sont devenus arabisants, qui ont appris la langue arabe, qui sont devenus arabes, et c'est ce qu'on appelle al-musta'araba. Donc c'est ça. Et ceux-là sont parmi les descendants de Ismaïl, le fils de Ibrahim al-Khalil. Ensuite, le cheikh il explique, il dit que, comme on a dit tout à l'heure, il est né à Mecca et il a fait la hijra al-Madina, mais il a été déclaré prophète quand il a reçu le verset Iqra. Cheikh il dit, وَهَذَا النَّبِيُّ الْعَظِيمُ هُوَ مُحَمَّدْ صلى الله عليه وسلم نُبِّئَ بِإِقْرَى فَأَوَّلُ مَا نَزَلَ عَلَيْهِ إِقْرَى بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ وَصَارَ بِهَا نَبِيًّا وَقَدْ أَتَاهُ جِبْرِيلُ وَهُوَ فِي الْغَارِ غار حراء ف فأقرأه هذه السورة. الشيخ الذكر للبروفيت محمد صلى الله عليه وسلم c'est notre prophète et il a été envoyé avec il a reçu comme première révélation le verset Iqra, c'est dans le verset dans sourate Al-Alaq. Iqra, lis, ça veut dire récite ou lis par le nom de ton Seigneur qui a créé. Donc quand il a reçu cette révélation là il est devenu un prophète. Et Jibril lui est venu lorsqu'il était dans la grotte qui s'appelle la grotte de Hira. Il lui a récité cette sourate et à partir de ce moment-là, il était prophète. Et Ursila bil Muddathir, ça veut dire, ثُمَّ بَعْدَ مُدَّةٍ يَسِيرًا جَاءَهُ الْمُدَّثِّرُ فَصَارَ رَسُولًا بِقَوْلِهِ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمْ فَأَنذِرْ. والمدثر الملتحف لأنه بعدما جاء الوحي اشتد عليه الأمر قال زملوني زملوني دثروني دثروني من شدة ما أصابه من الخوف لما ضغط عليه جبريل عليه السلام مرات ثم قال اقرأ تمهيدا لأعباء الرسالة وعظمتها ثم قال الله قم فأنذر أي قم فأنذر الناس فصار رسولا بأمره بالنظارة وربك فكبر. Donc le cheikh il explique maintenant que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé aux hommes comme messager par la révélation du verset dans sourate Al-Muddathir. Ya ayyuha al-Muddathir, ô toi qui es recouvert d'un drap ou de recouvert d'un manteau. Kum fa'anzir, lève-toi et avertis les hommes. Le cheikh il dit que Al-Muddathir, ça veut dire celui qui est enveloppé, et il dit, parce que lorsqu'il a reçu la première révélation, il a eu peur, le professeur Hassan était dans la grotte, et puis Jibril lui est venu, et il lui a ordonné de réciter, et il l'a pris, et il l'a serré fort par sa poitrine comme ça, et il l'a projeté par la suite, et donc il a fait ça plusieurs fois. Il a dit, lis, et il a dit, je ne sais pas lire. Alors il l'a pris, il a serré la poitrine comme ça sur lui, après il l'a projeté. Et il a refait ça plusieurs fois. Et donc par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré chez lui, épeuré, et il a dit à sa femme Khadija, zambilouni, zambilouni, dassirouni, dassirouni. C'est-à-dire, recouvre-moi, et c'est-à-dire, il avait peur, donc il avait ressenti de la peur à cause de la pression que Jibril avait mise sur lui plusieurs fois. Et donc, Jibril, après l'avoir pressé comme ça, il a commencé à réciter le verset « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » et ainsi de suite. Et donc ça c'était pour le préparer à recueillir et à prendre la révélation et le message et à comprendre la grandeur de ce message-là. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « Qum fa'anzir » lève-toi et avertis les gens. Alors il est devenu un prophète avec cet ordre-là d'avertir les gens. « وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ أَيْ عَظُّمْهُ بِالتَّوْحِيدِ » et c'est-à-dire glorifie et montre la grandeur de ton Seigneur par son tawhid. Et « وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ أَيْ طَهِّرْ أَعْمَالَكَ مِنَ الشِّرْكِ لِأَنَّ تَطْهِيرَ الْمَلَابِسِ غَيْرُ مُرَادٍ فِي هَذِهِ الْآيَةِ لِأَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُفْرَدْ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ والمراد هنا الأعمال كما قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير فالعمل يسمى لباسا. ici Allah subhanahu wa ta'ala il dit وثيابك فطهر, et quand on traduit, si on traduit littéralement, ça dit et purifie tes vêtements. Sauf que le cheikh il dit c'est pas ça que ça veut dire, on parle pas ici des vêtements, on parle de purifier tes actions du shirk, parce que la purification des vêtements c'est pas ça le sens de ce verset là. Pourquoi? Parce que la prière n'était pas encore ordonnée à ce moment-là. La prière était révélée seulement quelques années ou quelques temps avant la hijra vers Médine. Donc au début de l'islam, l'ordre de purifier les vêtements, c'est en fait, ça veut dire de purifier nos œuvres, nos actions de toute forme de shirk. Et il dit, donc, c'est les actions dont on parle. Et la preuve que les actions peuvent être appelées des vêtements, c'est le verset 26 dans Surat al-A'raf. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ. C'est-à-dire, et le vêtement de la piété, c'est ça le meilleur, c'est meilleur encore. C'est-à-dire, quand tu portes comme vêtement la piété, eh bien, c'est meilleur comme vêtement que n'importe quel autre vêtement. Ça veut dire donc que les actions, c'est aussi appelé un vêtement. Wa al-rujza fahjur. Al-rujza, c'est al-asnam. Le cheikh dit wa al-rujza al-asnam. Wa hajruha tarkuha wal baratu minha wa ahliha. Le cheikh dit que al-rujz, c'est les idoles. Et al-hajr, écarte-toi des idoles. C'est ça que ça veut dire. Wa al-rujza fahjur. Fahjur, ça veut dire écarte-toi d'elle et désavoue-toi d'elle et de ceux qui les adorent. Warrujza fahjur, écarte-toi des idoles. Ba'athahu Allah bin-nizara an-shirki wa yad'u ila at-tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé pour avertir contre le shirk et pour appeler au tawhid. Ça, c'est dans les paroles de Cheikh Mohammed ibn Wahhab, il continue dans le texte, il dit que Allah l'a envoyé pour avertir contre le shirk et pour appeler au tawhid. Wa dalilu qawluhu ta'ala ya ayyuhal al-muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Wa ma'na qawluhu qum fa'anzir yanziru min ash-shirk wa yad'u ila at-tawhid wa rabbaka fakabbir ay 'azzimhu 'azamat at-tawhid. Pardon. وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك والرجز فهجر الرجز الأصنام وهجرها تركها تركها والهجر تركها والبراءة منها وأهل والبراءة منها ومن أهلها. Donc on a expliqué déjà ça. On a déjà expliqué ça. Donc on va continuer. Le cheikh dit, أخذ على هذا عشر سنين يدعو إلى التوحيد. Le cheikh dit que le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم est resté pendant 10 ans en train d'expliquer ça, le tawhid seulement. On doit adorer Dieu seul et on doit abandonner l'idolâtrie et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc déjà, ça montre l'importance déjà du tawhid et qu'il a une précédence par rapport à toutes les autres règles de la religion musulmane. Que la base de la religion c'est le tawhid. وبعد العشر أرج به إلى السماء. Et après les dix premières années où il était un messager, Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait faire cette ascension vers les cieux, c'est المعراج. وفرضت عليه الصلوات الخمس وصلى في مكة ثلاث سنين. Après ça, c'est là que lorsqu'il est monté dans les cieux, vers le septième cieux, yani, Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné à ce moment-là de faire les cinq prières par jour. Il a fait la prière pendant 3 ans à Mecca. Puis par la suite, il a fait l'hijra, il est parti à Médine. Donc à ce sujet-là, le cheikh il mentionne 2 points. Donc le cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il mentionne 2 points à ce sujet-là. Le premier, c'est à propos du fait qu'il a appelé pendant 10 ans au tawhid seulement. Donc le cheikh il dit, أخذ على هذا الأمر 10 سنين يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك ويأمر بخلع عبادة ما سوى الله سبحانه وترك عبادة الأصنام والأوثان ويأمرهم أن يخصوا الله بالعبادة في دعائهم ونذرهم وذبائحهم وغير ذلك. Le cheikh il dit que pendant 10 ans, il appelait les gens au tawhid, il avertit les gens contre le shirk, il leur ordonne d'abandonner l'adoration des choses qui sont adorées en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il leur ordonne d'abandonner l'idolâtrie et les idoles, et il leur ordonne de vouer à Allah subhanahu wa ta'ala un culte exclusif et de limiter leur adoration à Dieu seul, dans leurs dua, dans leurs invocations, dans leurs vœux, dans leurs sacrifices et autres, de n'adorer que Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est pendant 10 ans. Après, il y a un autre commentaire au sujet du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été élevé aux cieux dans Al-Mi'raj. Le cheikh il dit, ثم بعد العشر عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء مع جبرائيل وفتحت له السماوات إلى موضع رفيع فوق السماء السابعة حتى سمع فيه صريف الأقلام ثم ناداه الله جل وعلا وكلمه وفرض عليه الصلوات الخمس وفرضها خمسين سنة وفرضها خمسين صلاة ثم لم يزل يطلبه التخفيف حتى جعلها الله خمسا فقال الله سبحانه هي خمس في العدد وهي خمسون في أم الكتاب فمن حافظ على الصلوات الخمس وأداها كتب الله له أجر خمسين فالحسنة بعشر أمثالها. Le cheikh il dit donc qu'ensuite, après les 10 premières années, Allah subhanahu wa ta'ala a fait l'ascension avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire il a fait monter le prophète sallallahu alayhi wa sallam au dernier des cieux avec Jibril. Et il lui a ouvert les portes des cieux, hein, et il est arrivé à un point très élevé au-dessus des sept cieux. Et à ce moment-là, il a entendu les écritures des plumes, yani, qui écrivent les destinées que les anges qui écrivent la destinée des hommes, hein, qui transcrivent la destinée des hommes. Donc il a entendu ces choses-là, et c'est pour dire à quel point il était prêt, hein, qu'il était prêt d'Allah subhanahu wa ta'ala, très élevé au-dessus des cieux. Et ça c'est la preuve même que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de sa création, au-dessus des cieux, et qu'il n'est pas, comme disent les gens de Bid'a, partout, hein, ou qu'il est dans toute chose. Non, il est au-dessus de sa création. Puis, avec sa connaissance, avec son savoir, il nous voit et nous entend. Même quand il est au-dessus de sa création, il voit tout, il entend tout, et il sait tout. Donc, il est avec nous par sa connaissance, il nous voit, il nous entend, mais il est quand même au-dessus de sa création, il est séparé de sa création. Ça c'est notre aqida, ça c'est la bonne croyance à ce sujet-là. Et donc, à partir de ce moment-là, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé, il lui a parlé, il lui a ordonné de faire 5 prières par jour. Et à la base, c'était 50 prières qu'on devait faire. À l'origine, on devait faire 50 prières par jour. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué à demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'alléger le nombre et de diminuer le nombre pour que ce soit plus facile pour la Ummah, et c'est descendu jusqu'à 5. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce sont 5 prières en nombre, mais elles comptent pour 50 dans le livre mère, c'est-à-dire dans le tablette que Allah écrit, dans lequel Allah a écrit le destin des créatures. Et il dit que quiconque garde ces 5 prières-là et qui les établit, eh ben, c'est comme si Allah lui écrit la récompense pour 50 prières. Donc il fait une prière, il a la récompense comme si il en avait fait 10. Hein? Et c'est pour ça qu'on dit que une bonne action, elle compte pour 10. Hein? On a la récompense de 10. Chaque fois qu'on fait une bonne action, on a la récompense de 10 bonnes actions. Et il dit ensuite, فَنَزَلَ بِذَلِكَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَاسْتَقَرَّتْ الصَّلَاةُ 5 صلوات في اليوم والليلة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وصلاها في مكة 3 سنين قبل أن يهاجر. Le Cheikh il dit que donc il est redescendu avec ces 5 prières-là, et l'ordre de la prière est demeuré par la suite 5 prières pendant le jour et la nuit, la prière de Dhuhr, hein, qui est la prière du midi, la prière de Asr, qui est la prière de l'après-midi, la prière de Maghrib, qui est la prière du coucher du soleil, la prière de Isha, qui est la prière du soir. soir ou de la nuit, et la prière de Fajr, qui est la prière de l'aube, compris avant l'aube. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ces prières-là à Mecca 3 ans avant d'avoir fait la hijra, 3 ans avant d'avoir fait l'hijra. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il continue l'explication à ce sujet-là, et il dit « وَبَعْدَهَا أُمِرَ بِالْهِجْرَةِ إِلَى الْمَدِينَةِ وَالْهِجْرَةِ الْإِنْتِقَالُ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بِلَادِ الْإِسْلَامِ وَالْهِجْرَةِ فَرِضَةٌ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ بَلَدِ الشِّرْكِ إِلَى بَلَدِ الْإِسْلَامِ وَهِيَ بَاقِيَةٌ إِلَى أَنْ تَقُومَ السَّاعَةُ والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا عليكم السلام ورحمة الله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Donc le cheikh il dit que la hijra c'est de quitter le pays du shirk vers le pays de l'islam. Ah oui, donc Allah a ordonné par la suite au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de faire la hijra vers la ville de Médine, parce que les persécutions des mouchriquins à la Mecque étaient devenues tellement difficiles que Allah subhanahu wa ta'ala par la suite a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de partir vers Al-Madina. Et donc le cheikh il donne la définition du mot hijra en arabe, et il dit que le mot al-hijra ça signifie de quitter le pays de shirk, le pays où il y a l'adoration d'autres que Allah, vers le pays de l'islam, vers le pays où on adore que Allah subhanahu wa ta'ala. Et al-hijra c'est une obligation pour cette ummah, et c'est de quitter le pays de shirk vers le pays de l'islam, et cette obligation là elle demeure jusqu'au jugement dernier, c'est-à-dire elle reste valable jusqu'au jugement dernier. Il n'y a pas une époque où la hijra ne sera plus nécessaire dans l'islam. D'accord? Et il mentionne la preuve de ça dans le verset 97 et 99 dans Surat An-Nisa. Le cheikh il mentionne ce verset-là, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit, au sujet de ceux qui n'avaient pas fait la hijra, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ceux dont les anges viennent prendre les âmes alors qu'ils se sont fait du tort à eux-mêmes en abandonnant la hijra, en abandonnant le fait d'avoir quitté le pays des mouchriquins, il dit les anges vont demander à ces gens-là, fima kuntum, hein, avec qui étiez-vous, hein, ou bien avec fima kuntum, yani pourquoi vous êtes resté avec les mouchriquins? Eh bien, ils ont dit, nous étions faibles sur la terre. Et ça c'est un prétexte, parce que c'est pas vrai, c'est pas faible. Mais bon, ils ont amené ça comme un prétexte alors que c'était pas vrai, et les anges ont répondu, n'est-ce pas que la terre d'Allah était vaste et que vous étiez capable de faire la hijra et d'aller ailleurs? Et yani, eux, Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet que leur destination sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Ils n'étaient pas excusés vraiment, parce qu'ils n'avaient pas d'excuses valables. Et il dit par la suite, excepté ceux qui sont faibles parmi les hommes, parmi les femmes et les enfants, qui ne sont pas capables de se débrouiller et qui ne sont pas capables de trouver le chemin, alors ceux-là, Allah va leur faire part de sa compassion, hein, il va les pardonner, et Allah est certes pardonneur et compatissant et pardonneur. Donc c'est le verset au sujet de la hijra. Et il dit ensuite le verset dans Surat Al-Ankabut, le verset 56, قل وقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là, ô mon serviteur qui a cru, ma terre est vaste, alors c'est moi que tu dois adorer. Hein? Et vous entendez parfois des gens qui parlent de ce sujet-là, ils disent, ouais, la terre est vaste, et ils s'imaginent que ça, ça justifie le fait de quitter un pays musulman pour venir vivre dans un pays non musulman. Disant, la terre d'Allah est vaste et on a le droit d'aller partout, c'est-à-dire pour vivre et s'établir. Et ça, c'est contraire au verset. Le verset dit, la terre est vaste, c'est-à-dire quitter les endroits où il y a le kufr et le shirk et aller vivre là où les gens sont sur l'islam, sur le tawhid, dans les pays musulmans, et non pas dans les pays où les gens sont sur le kufr et le shirk et où ils ne sont pas musulmans. Donc, ça c'est important. Puis le cheikh il explique un point à propos de la hijra vers Médine. Le cheikh il dit « Summa hajara ila al-Madina, ba'da ma ishtadda alayhi adha Quraysh, lahu wa li ashabihi, fa'adhina Allahu lahu bil hijra min Makkah, li ajli adha wa zulm Quraysh, ila al-Madinati, ila al-Ansar, wa qad bayauhu fi mawsim al-Hajj, على أن ينتقل إليهم وينصروه رضي الله عنهم وارضاهم فلما تمت البيعة أذن الله له بالهجرة وهاجر إليهم وكان بعض أصحابه قد هاجر قبل ذلك إلى الحبشة ومكثوا عند النجاش مدة ثم هاجر بقيتهم هاجر بقيتهم إلى المدينة فلما استقر بالمدينة جاء الذين في الحبشة إلى المدينة واستقر الجميع في المدينة والحمد لله. Le Cheikh explique, il dit que ensuite le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم a émigré, a fait la hijra vers la ville de Médine lorsque les difficultés de Quraysh contre les musulmans et contre le prophète صلى الله عليه وسلم sont devenues trop dures, ils ont trop donné des problèmes au prophète صلى الله عليه وسلم et aux Sahaba. Alors, Allah a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la hijra de Mecca à cause des problèmes et de l'injustice de Quraysh vers Médine, vers les Ansar. Les Ansar, c'est les habitants de Médine. Et les habitants de Médine étaient venus, certains des habitants de Médine étaient venus à la Mecque pour faire le Hajj, okay, durant le Hajj. Et ils ont donné la bay'a, le serment d'allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour dire qu'ils acceptaient l'islam et qu'ils acceptaient de venir en aide au prophète sallallahu alayhi wa sallam et de le supporter et de le défendre dans sa da'wah. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait pris l'allégeance déjà de Médine, eh bien, Allah a permis au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire la hijra et de quitter la Mecque pour aller vers Médine. Et il y a des compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui, avant cette période-là, ils avaient déjà quitté la Mecque, parce qu'ils avaient eu trop de difficultés. Ils avaient déjà quitté la Mecque, eux, et ils étaient déjà partis en Éthiopie pour aller vivre là-bas, parce qu'ils avaient là-bas plus de liberté pour pratiquer l'islam. Et donc, ils ont quitté la Mecque pour aller vers l'Éthiopie. Puis, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est allé vers Médine, dans ce cas-là, tous les sahabas qui étaient à Mecca, ou bien la grande majorité des sahabas qui étaient à Mecca, sont partis à Médine avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est installé à Médine, et tous les sahabas, et que l'islam est devenu plus fort, et là, ceux qui étaient en Éthiopie ont quitté l'Éthiopie et ils ont fait le hijra vers Médine encore une fois. Donc il y a des sahaba qui ont fait une hijra de la Mecque vers Médine et il y en a qui ont fait deux hijras, une vers l'Éthiopie et vers Médine par la suite. D'accord? Et donc ensuite l'islam s'est établi et s'est stabilisé donc dans Médine et tous les sahaba se sont réunis là-bas. C'est pour ça que à Médine, il y avait de plus en plus de musulmans, que les musulmans étaient devenus une force là-bas. Qu'est-ce qu'il dit ensuite, Cheikh? Il mentionne par la suite les paroles de l'imam al-Bahawi, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Il mentionne les paroles de l'imam al-Bahawi. Il dit, « Qala al-Bahawi, rahimahullah, sababu nuzuli hadhihi al-aya fil muslimin al-ladhina bi Mecca » لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان الإمام البغوي رحمه الله il dit la cause de la révélation des versets qu'on a mentionnés à propos de la hijra c'est à cause des musulmans qui étaient restés à la Mecque et qui n'avaient pas fait la hijra, ils n'avaient pas quitté la Médine. Alors Allah subhanahu wa ta'ala les a appelés par le nom de Al-Iman. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils ne sont pas des mécréants, même s'ils n'ont pas quitté la Mecque, ils sont toujours des croyants, des musulmans. Ensuite il dit وَالدَّلِيلُ عَلَى الْهِجْرَةِ مِنَ السُّنَّةِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم لَا تَنْقَطِعُ الْهِجْرَةِ حَتَّى تَنْقَطِعُ التَّوْبَةِ وَلَا تَنْقَطِعُ التَّوْبَةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا. Le Cheikh il mentionne une preuve de la hijra, de l'obligation de la hijra dans la sunna, et cette preuve là c'est le hadith qui dit que la hijra ne va pas s'arrêter jusqu'à ce qu'il y ait possibilité de se repentir, et la tawba, la repentance, va continuer jusqu'à ce que le soleil se lève par son couchant ou par l'occident. Donc quand le soleil va se lever vers l'occident, par l'occident, eh bien, ça va être la fin du monde et c'est là que la hijra va arrêter. Donc ça veut dire que jusqu'à la fin des temps, il y aura toujours l'obligation de faire la hijra. Ensuite, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il dit فَلَمَّا اسْتَقَرَّ بِالْمَدِينَةِ أُمِرَ بِبَقِيَةِ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ مِثْلُ الزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ وَالْأَذَانِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنكَرِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ. Le cheikh, il dit que quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est établi à Médine, il a été ordonné d'accomplir tous les autres piliers de l'islam, comme la zakat, le jeûne, le hajj, le jihad, le azan, l'appel à la prière, l'ordonnance du bien et l'interdiction du mal, et tout ça, c'est des choses de l'islam qui sont venues par la suite. Et le cheikh, il explique quelque chose à ce sujet-là, le cheikh Ibn Baz, rahimahullah, il dit, فلما استقر بالمدينة فلما استقر في المدينة بعد الهجرة أمره الله ببقية شرائع الإسلام من الزكاة وصيام رمضان وحج البيت والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن المدينة صارت دار إسلام وهي العاصمة الأولى للمسلمين فلهذا أمروا بهذه الأمور لأنهم يتمكنون حينئذ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهذا من رحمة الله عز وجل أن أجل هذه الواجبات أن أجل هذه الواجبات إلى أن هاجر إلى المدينة. Le Cheikh il dit, lorsque les choses se sont stabilisées à Médine, comme on a expliqué dans le texte original, Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'accomplir les autres règles, les autres rites de l'islam, comme la zakat, le jeûne, le ramadan, le hajj, le jihad, l'ordonnance du bien, l'interdiction du mal, et c'est parce que Médine était devenu un pays, c'est devenu un pays musulman, et c'était la première capitale de l'islam et des musulmans à l'époque. Et le cheikh dit que, donc à partir de ce moment-là, ils ont été ordonnés d'appliquer ces autres règles de l'islam, parce que ils étaient maintenant devenus capables d'ordonner le bien et d'interdire le mal, à partir de ce moment-là. Et ça fait partie de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, que Allah subhanahu wa ta'ala a, Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de sa miséricorde, qui n'a pas ordonné ces choses-là directement à la Mecque, d'appliquer tous ces principes-là. Parce que les musulmans étaient peu nombreux, ils n'avaient pas la capacité ni la force de les faire. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a fait preuve de miséricorde envers les musulmans, et c'est uniquement, ça a été, disons, reculé, le mot pour traduire ça, il est juste au bout de ma tête, mais j'arrive pas à le trouver, mais bon. Ça a été reculé, puis là c'était à Médine que ces choses-là ont pu être appliquées. Et il dit وَكَانَ أَصْلُ الزَّكَاةِ مَشْرُوعًا فِي مَكَّةِ كَمَا قَالَ تَعَالَى فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ وَهِيَ مَكِّيَّةِ آتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ولكن انصباؤها ومصارفها وتفاصيل احكامها كل هذا صار في المدينه. وهكذا صيام رمضان شرع في السنه الثانيه من الهجره، وهكذا الحج شرع في السنه التاسعه او العاشره من الهجره، وانزل الله فيه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وفي سوره ال عمران وهي مدنيه. لشيخ الذكر دونك à la base la zakat était légiférée à la Mecque. Hein? Même à la Mecque, c'était légiféré de faire, de donner la zakat. Toutefois, parce qu'il dit ça, c'est dans un verset de surat Al-An'am, et c'est un verset qui est révélé à, c'est une surat qui est révélée à Mecca. Et c'est le verset 141 dans surat Al-An'am. Et ça dit, et donner, donner son droit lors de la récolte. Hein, ça c'est pour la zakat du fruit et des grains, que lorsque la récolte arrive, il faut donner son droit. Et ça c'est bien entendu le droit de la zakat. Toutefois, la quantité qu'on doit donner et à qui on doit le donner et les détails des règles qui ont rapport avec ça, ça n'a pas été expliqué excepté à Médine. Ok. De même que le jeûne du Ramadan, il a été légiféré dans la deuxième année après le Hijra, et le Hajj, il a été légiféré dans la neuvième ou dixième année après la Hijra. Allah subhanahu wa ta'ala a révélé dans la sourate Al-Imran, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Les gens ont l'obligation de faire le Hajj pour Allah subhanahu wa ta'ala vers la maison de la Kaaba à Mecca, pour celui qui en a la capacité et qui est capable. Donc c'est révélé à Médine cette sourate. Et il dit, وهكذا الجهاد أمر به في المدينة وكان في أول الأمر يجاهد من جاهده ويكف عن من كف عنه وما أمر بأن يبدأهم بالقتال وإن جاهد الكفار وإن لم يبدأهم وأن يجاهد الكفار وإن لم يبدأوا أساسا فيدعوهم إلى الله ويرشدهم إليه فإن أجابوا وإلا قاتلهم حتى يستجيبوا للحق وإلا أهل الكتاب فإنهم يقبل منهم الجزية وسن الله في المجوس سنة أهل الكتاب إما إسلام وإما الجزية أو جزية. أما بقية الكفرة إما إسلام وإما السيف مع القدرة. الشيخ explique que par la suite il dit la même chose pour le jihad. Il n'était pas ordonné à Médine. Au début, il n'y avait pas d'ordre des musulmans de combattre et d'aller faire le jihad. Il dit au début, le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait juste combattre contre ceux qui le combattaient. Et ceux qui ne combattaient pas, ils ne combattaient pas. Mais lorsque ils ont fait le hijra vers Médine et que les musulmans sont devenus forts, là, l'ordre est venu même de combattre en premier, de partir le combat et de faire le jihad contre les kuffars, même si les kuffars n'avaient pas eux-mêmes commencé à nous combattre, et de les appeler à Allah subhanahu wa ta'ala et de leur montrer le droit chemin. Et si ils acceptent l'islam, alhamdoulillah, sinon on les combat jusqu'à ce qu'ils répondent à la vérité. Excepté les gens du livre, les chrétiens et les juifs, eux, s'ils acceptent de payer la jizya, et bien dans ce cas-là on les laisse, on ne va pas les combattre. Mais s'ils refusent de payer la jizya, là c'est soit l'islam ou le combat, hein, s'ils refusent la jizya. Et ensuite, le chef il dit que pour les Majus, ça c'est les gens de la Perse, qui avaient la religion, des gens qui adorent le feu, hein, les Zoroastriens, ils les appellent Majus. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué la même règle que pour les gens du livre à leur sujet, soit qu'ils acceptent l'islam ou qu'ils paient la jizya. Mais les autres koufars, parmi les idolâtres, les bouddhistes, les autres religions de shirk, eh bien, c'est soit l'islam ou l'épée lorsque les musulmans ont la capacité. D'accord? Ça, c'est en ce qui concerne les règles du djihad, l'appel à l'islam. Tout ça, c'était pas obligatoire à la Mecque. C'est seulement, ça a seulement été ordonné à Médine. Après, le cheikh, il dit, أخذ على هذا عشر سنين. نعم. أخذ على هذا عشر سنين وبعدها توفي. أخذ على هذا عشر سنين بعد هذا توفي. On va s'arrêter ici, puis on va continuer dans quelques minutes. On va juste faire une petite pause, inshallah. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.